Freedom Vesting. A la Sentient Plus. So, oh, oh, I see. Oh, oh, oh, oh. Freedom, freedom, I found in Jesus. Oh, oh, oh, oh, oh. Helpless, helpless from cross. Oh, oh, oh, oh. Freedom, freedom, I found in Jesus. Oh, oh. À la quatrième place. Mutima wanje, Fortran Big. Mutima wanje, himba zuhoraho, niwiwa giri jizabji. Shiakoze, kemwe mahanga na mukoyo seni muze. Tumushime, tumuhimbaze. Tumushime, tumuhimbaze. À la troisième place, Hitamo, best friend of God. Hitamo Yesu Kristu abugami. Yesu niwe vyizigiro vyo kubaho. Hitamo Yesu Kristu abugami. Yesu niwe vyizigiro vyo kubaho. À la deuxième place, Wahu, best friend of God. À la première place, qui est aussi la chanson de la semaine. You're in the mix with DJ Friends. Désormais, vous pouvez nous aider à faire un classement des 5 chansons les plus aimées du moment. Allez sur notre page Facebook et choisissez la chanson que vous préférez. Vous pouvez également nous envoyer un texto sur 79 402 336. My Redeemer, chanté par The Sons of the Morning Star. Tu es une confrère, tu es une amie.